raconter dans une petite lettre bien ficelée. Première fois que je t'ai vu, je crois bien que t'étais toute nue. La dernière fois que je t'ai vu, je crois bien que t'étais énervé. Peut-être bien que je mélange, mais pour moi, tu restes un ange. Tes petits œufs noisettes qui deviennent noirs quand je fais un brin de Cosette sur un bout de trottoir. Peut-être bien que je mélange, mais pour moi, tu restes un ange. Brunis au soleil qui semble tout juste débarquer à Marseille. Ce sourire qui plisse tes yeux et qui fait qu'aujourd'hui je m'en veux. Peut-être bien que je mélange, mais pour moi tu restes un ange. Anaïs, Marie, Lisa ou tout simplement Lisa. Peut-être bien que je mélange, mais pour moi tu restes un ange. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je connais pas trop ton nom, ta vie, désolé pour ce mot sur la table de nuit, mais je t'appelle, c'est promis. Peut-être bien que je mélange, mais pour moi, tu restes un ange. Je me suis dit que j'allais tout te raconter dans cette petite lettre bien ficelée. Je connais pas trop ton nom, ta vie, désolé pour ce mot sur la table de nuit, mais je te rappelle, c'est promis.